Bonjour, je m'appelle Yann Kor, je suis ingénieur-chercheur au CEA Cadarache, le commissariat à l'énergie atomique. Donc Cadarache qui se situe dans la vallée de la Durance, entre Aix-en-Provence et Manosque. J'ai fait mes études à Paris, université Pierre et Marie Curie, un diplôme d'études approfondies sur la physique atomique et moléculaire. Donc à l'époque, je m'orientais vers des études vers l'astrophysique. À l'issue de ce diplôme, j'ai été candidat à un sujet de thèse à Grenoble et mon dossier a été transféré au CEA de Cadarache. Lors de ma thèse, j'ai étudié la production du carbone, son transport dans le plasma et le rayonnement. Donc, qui était dissipé par l'impureté carbone dans le tokamak torsupra. J'ai ensuite été, après la thèse, faire un post-doc à moitié en Suède, à Stockholm, et une autre moitié du temps en Angleterre, sur le tokamak du Jet, à une vingtaine de kilomètres d'Oxford. Donc je suis à Cadarache depuis une dizaine d'années. Le site de Cadarache accueille différentes expériences associées aux réacteurs nucléaires. Nous sommes ici à l'IRFM, l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, qui regroupe 250 salariés. Donc l'objectif des études sur la fusion nucléaire, c'est de développer une alternative à la fission. Le principe, c'est de décomposer des gros noyaux. Et dans les deux cas, on produit de l'énergie nucléaire. Donc ces énergies sont du même ordre de grandeur, hein, typiquement quelques mégaélectronvolts. Donc les différences principales entre fusion et fission sont les suivantes. La première différence est le risque associé à l'exploitation du réacteur. Dans le cas de la fusion, un seul neutron est généré à partir du produit de fusion. Et il n'y a pas de risque de réaction en chaîne comme par la fission. Les particules donc, issues des produits soit de fusion, soit de fission sont récupérées dans l'enceinte du réacteur. Les matériaux interceptent les neutrons. L'énergie donc, est transmise ensuite à un canal de refroidissement qui va vers des turbines et qui génère de l'électricité comme toute centrale EDF. Dans le cadre de la fission, donc nous parlons de déchets à vie longue sur plusieurs milliers d'années. Dans le cadre de la fusion, on est sur des échelles de quelques dizaines d'années. Donc la durée de vie typique du tritium est de 10 ans. Donc la gestion des déchets dans le cadre de la fusion est sur donc un ordre de grandeur qui est 10 voire 100 plus bas que dans le cadre de la fission. Donc ce sont vraiment les deux avantages de la fusion, c'est pas de risque d'emballement et des déchets à vie courte. Voilà, c'est ça qui motive notamment les équipes à investir des moyens, du temps et des ressources sur cet axe de énergétique. Donc le but de la fusion magnétique, donc, bien sûr, c'est de faire fusionner des noyaux donc de deutérium et de tritium. De la fusion de ces noyaux, on produit un neutron et de l'énergie et une particule alpha. Donc vous avez deux particules, hein. L'énergie est transportée via un canal neutron et un autre canal particule alpha, donc c'est un atome d'hélium ionisé. Voilà, donc la particule alpha est confinée dans le plasma, elle reste, elle est soumise au champ magnétique, donc elle est confinée. Le neutron n'est pas confiné, il est neutre, il est extrait de la machine par la paroi. Ces énergies sont considérables, sont des énergies nucléaires, donc de plusieurs mégaélectronvolts, donc on parle en électronvolts pour caractériser l'énergie. Un des enjeux importants pour la fusion, c'est le confinement. Donc sur le Soleil, le confinement est assuré par la gravité. Sur Terre, on ne peut pas jouer sur la gravité pour confiner les particules. Ce sont des particules qui ont une énergie considérable, quelques centaines de kiloélectronvolts, donc des vitesses très grandes. Le confinement peut être réalisé par deux moyens. Le premier moyen, c'est un choc très violent, ce qu'on appelle la fusion inertielle. Le deuxième moyen, c'est de confiner magnétiquement les particules. Donc une particule chargée, donc positivement ou négativement, subit la force du champ magnétique et se dirige le long de l'axe du champ magnétique. Donc l'idée du confinement par champ magnétique est d'enrouler les lignes de champ les unes sur les autres, de manière à ce que les particules tournent autour d'un axe, d'où la géométrie en forme de tore. Donc, et le mot tokamak. Donc tokamak, c'est en russe un tore. Donc vous avez un anneau de plasma, donc à l'intérieur du gaz ionisé, des ions et des électrons. Nous chauffons ce gaz et les particules vont donc parcourir des distances le long du tore et générer un courant, ce qu'on appelle le courant plasma. Ces particules ont une durée de vie limitée, typiquement quelques centaines de millisecondes. C'est ce qu'on appelle la durée de vie de la particule dans le tokamak. Donc le confinement est directement lié à la taille de la machine. Pour caractériser une machine, donc un tokamak, on parle du diamètre du plasma, donc du tore. Sur tore supra, typiquement, le diamètre est de 2 mètres. Vous pouvez circuler à l'intérieur du tokamak. Sur ITER, le diamètre est le double. Donc on va vers des volumes bien plus importants. Donc un temps de confinement bien plus important. Donc le temps de confinement, c'est vraiment la clé du succès, c'est le paramètre qui nous permet vraiment de faire de la fusion. C'est-à-dire que plus la particule va rester longtemps, plus elle va avoir des chances de faire une réaction, de fusionner et donc de libérer de l'énergie. Donc l'alimentation du plasma peut se faire de différentes manières. La voie la plus usuelle, c'est l'injection de gaz pressurisé, donc par des vannes. Un autre moyen est d'injecter des glaçons. Donc là, le deutérium est sous forme de petits glaçons qu'on injecte à des vitesses typiquement supersoniques. La vitesse est calculée de manière à ce que la distance pour atteindre le centre du plasma soit suffisante, de manière à ce qu'il ne soit pas ablaté complètement. Donc, si la vitesse est trop lente, il va s'ablater en périphérie de plasma. Donc on calcule la vitesse qu'il faut pour que le glaçon pénètre au cœur de la machine. Et ça, c'est plus intéressant parce que ça permet de contrôler la densité au centre, ce qui est plus intéressant que l'injection par gaz qui est périphérique. Donc ça marche, hein, ça, c'est des choses qu'on fait très bien, mais il faut injecter un peu plus de matière, c'est plus difficile de prévoir la quantité d'atomes que vous devez injecter pour atteindre telle densité centrale. Donc la densité au centre du plasma, c'est aussi un paramètre important pour la fusion, pour le rendement, hein. C'est-à-dire plus vous avez de particules, plus vous allez faire de réactions de fusion. C'est un autre paramètre important. Donc on avait parlé du temps de confinement, qui est un paramètre important, mais la densité du plasma est importante aussi. C'est-à-dire qu'un plasma dense, c'est plus intéressant, ça va faire plus de réactions de fusion qu'un plasma peu dense, dilué. Donc voilà, donc typiquement on joue sur ces deux méthodes d'injection pour alimenter le plasma. Faire de la fusion pendant quelques secondes, on sait le faire. Être capable de produire de la fusion sur des temps plus longs, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, ce sont des aspects technologiques essentiellement. Donc les matériaux et les bobines magnétiques. Donc tore supra s'est orienté très tôt vers cet axe qui est le développement des décharges longues. Donc on étudie tout ce qui est associé à la réalisation de ces décharges longues. Donc le contrôle des paramètres plasma, le maintien de la densité du plasma, le maintien de la température, donc le contrôle de cette température plasma via des systèmes de chauffage par onde. Donc on chauffe les ions et les électrons. Et le contrôle du courant et le contrôle de la stabilité du plasma. Donc ça, c'est un aspect fondamental. C'est que si vous voulez réaliser des décharges longues, il faut être capable de contrôler tout ça. Vous croyez que tout est stable, mais par derrière, il y a tout un tas de capteurs qui corrigent, qui rectifient, qui ajustent. Et ça, c'est des choses qu'on a apprises ces 10 dernières années. C'est pour ça que souvent les gens pensent, bon, bah, l'infusion, ils n'avancent pas. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'ils travaillent. Ça donne l'impression qu'on n'avance pas. Finalement, quand on regarde et qu'on est dedans, vu de l'intérieur, vous pourrez voir que ça avance beaucoup. Parce que là, on voit le progrès, c'est-à-dire rien que là, on contrôle le temps réel. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur ces 10 dernières années. C'est vraiment parce que là, on commence à se mettre dans une logique de temps long et de réacteur. C'est-à-dire qu'on a passé un peu l'époque du record, du Q égale 1, du record pour montrer, voilà, vous voyez, on a fait de la fusion. Là, on veut faire un réacteur maintenant. Là, on sait qu'on sait le faire la fusion. Je veux dire, vous avez la bonne taille, le bon temps de confinement, vous injectez votre puissance, si vous injectez votre deutérium tritium, vous en ferez de la fusion. Après, faire de la fusion pendant 10 minutes, c'est pas pareil. Donc conception et exploitation, on a deux notions, deux étapes bien différentes. Environ 10 personnes travaillent sur la conception, c'est-à-dire le dimensionnement de ces composants, la fabrication des composants, la qualification des composants. Et à l'issue de la qualification, si toutes les étapes ont été satisfaisantes, on installe le composant dans la machine. À partir du moment où le composant est dans la machine, on parle d'exploitation. Donc là, on a aussi une dizaine de personnes qui travaillent sur l'exploitation de ces composants pendant les expériences. Donc moi, je travaille dans la partie exploitation. En tant que donc, surveillant infrarouge, hein, donc je participe à la sécurité, à la protection des composants. Donc pendant les expériences, j'interviens pour limiter les expériences si ça présente un risque pour la machine. C'est-à-dire que si quelqu'un, un physicien, propose de faire tel ou tel scénario que moi je juge risqué pour un composant, bah je le signale. Et là, on se limite soit dans la puissance injectée, soit dans la forme du plasma. Donc je participe à la construction des expériences comme ça. En général, ce qui se passe, c'est quelque chose d'anormal qui n'était pas prévu, hein, un phénomène qui n'était jamais apparu et qui apparaît. Et là, je dis attention, il se passe quelque chose d'anormal. À partir de ce moment-là, on interrompt les opérations et on analyse ce qui s'est passé. Donc là, on regarde toutes les caméras, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Quel est le type de phénomène? Comment il a pu être créé? Par quel mécanisme? Est-ce que ça présente un risque ou pas pour l'opération? Des fois, on voit des choses anormales, hein, on voit de la lumière, des échauffements, on voit une température importante, mais ça ne présente pas de risque. Le matériau est tellement robuste et il a été dimensionné pour extraire les 10 MW par mètre carré, que au final, il y a des événements anormaux pas graves, des événements anormaux plus graves. Donc moi, j'essaye, pendant les opérations, d'évaluer un peu le niveau de gravité. Pour surveiller les composants dans le tokamak, on utilise de l'imagerie, donc dans différentes longueurs d'onde, dans de l'infrarouge pour mesurer la température des matériaux, dans la gamme visible pour étudier le plasma, donc le rayonnement du plasma. L'imagerie infrarouge permet de mesurer la température des composants, de vérifier que cette température ne dépasse pas un seuil technologique à partir duquel on pourrait avoir des problèmes. Le risque principal, c'est la fusion des canaux de refroidissement. Qui dit fusion des canaux de refroidissement, c'est dit possibilité de fuite d'eau. Fuite d'eau, c'est l'eau qui pénètre dans le tokamak. C'est vraiment le problème majeur à tort supra, donc dans un environnement activement refroidi. Il faut savoir que ITER est aussi basé sur un refroidissement du même type que Tor Supra, c'est-à-dire des canaux de refroidissement et de l'eau pressurisée, donc de l'eau à 30 bars. Donc une fuite d'eau à 30 bars, ça fait tout de suite des piscines. C'est très pénalisant, c'est-à-dire qu'il faut vider la machine. Le problème, il est sur le temps et le coût d'aller pomper l'eau. Sur le cadarache, on a la chance d'avoir un groupe de pompiers, donc on appelle les pompiers en général, qui viennent avec des pompes pour vider l'eau dans la machine. Donc il faut un certain temps pour retirer l'eau du tokamak et recommencer les expériences. De mémoire, ça a dû nous arriver deux fois. Maintenant, il y a tout un tas d'autres petits incidents moins graves. Typiquement, on peut délaminer des briquettes. Donc comme j'expliquais, vous avez des matériaux face au plasma avec un faible numéro atomique. Les tuyaux, c'est du métal. Il y a une liaison entre le carbone et le métal. Et si vous dépassez avec un nombre de chargements thermiques, de chocs thermiques élevés, des flux intenses, on peut aussi délaminer les briquettes de carbone qui protègent un peu la machine du plasma. Donc là, c'est moins grave, hein, on casse. Et puis en arrêtant, pendant les périodes d'arrêt, on intervient, donc on rentre. On pénètre dans le tokamak et on répare les éléments qui ont été endommagés. Moi, j'essaye pendant les opérations d'évaluer un peu le niveau de gravité de l'événement. Donc ça peut prendre quelques heures dans la journée. On peut avoir des premières conclusions le jour même, dire on peut continuer ou non. On se donne un peu plus de temps pour comprendre si le problème si le risque évalué est important. On va se donner un peu plus de temps pour comprendre. Donc là, on fera d'autres expériences dans des scénarios plus souples et moins problématiques pour la paroi. Et Là, on essaiera de travailler avec donc d'autres experts, faire intervenir les experts donc de tel ou tel processus. Hein, donc, est-ce que c'est un chauffage par les ions? Est-ce que c'est un processus qui a été généré par telle antenne ou par tel scénario? Donc là, on rentre dans un aspect physique très pointu. Donc en général, on s'entoure d'experts, on crée des groupes de travail en fonction du phénomène observé et on travaille le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Donc les deux axes vers lesquels on travaille pour rendre un plasma compatible avec le mur, c'est l'axe numéro 1, améliorer le matériau, l'axe numéro 2, améliorer le plasma, c'est-à-dire modifier le plasma de manière à baisser le flux. C'est-à-dire que si vous observez pendant un scénario 10 mégas par mètre carré sur un composant et que ce n'est pas tolérable, eh ben on va travailler le plasma, on va le modifier, modifier sa forme, modifier le lieu de l'injection de la puissance. Modifier la densité, donc il y a plusieurs boutons sur lesquels on peut jouer, hein, la température du plasma, la densité, le courant plasma, le champ magnétique, et on modifie ces boutons de manière à baisser les températures au bord. Donc un exemple intéressant pour baisser les flux, donc les contraintes hein, sur les matériaux, c'est d'injecter des impuretés. Donc là, on est sur une injection volontaire d'atomes donc sélectionnés. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'azote ou le néon. Donc ils ont un Z, un numéro atomique intermédiaire. Ces atomes, judicieusement injectés là où il faut et au bon moment, permettent de dissiper une quantité d'énergie par rayonnement. Donc c'est un moyen de thermaliser les ions et de baisser les contraintes sur le bord. Donc c'est des scénarios qu'on utilise beaucoup, hein, c'est des injections d'impuretés. Donc c'est un moyen expérimental. Tout l'enjeu, hein, c'est de conserver ce confinement au centre du plasma, donc ces bonnes performances, et de baisser les températures et les flux au bord du plasma. Donc l'injection d'impuretés au bord, en périphérie du plasma, permet, en augmentant la contribution rayonnée, de réduire la contribution donc cinétique, qui est plus difficile à gérer, donc. Par exemple, on va dire qu'on a un phénomène qui génère 10 mégawatts par mètre carré sur un composant donné. Si on n'arrive pas à réduire ce flux, c'est-à-dire que la physique fait qu'on ne peut pas aller plus bas, alors on améliore le matériau. Alors là, on dit, OK, on n'arrive pas à modifier le plasma et à réduire la puissance. Alors là, on passe la main aux technologues qui vont, eux, travailler de leur côté pour permettre d'extraire ces 10 mégawatts par mètre carré. Comme j'expliquais tout à l'heure, le fait d'opérer un plasma impose des matériaux face au plasma avec un Z atomique plus faible que le tuyau qui extrait l'eau. Donc on est sur des matériaux à plusieurs couches. Donc dans le cas de Torsupra, on est carbone face au plasma, on met une couche de compliance sous le carbone, pour se rattacher à un canal en cuivre. Tout ce qui est refroidissement, c'est du cuivre. Sur les 10 dernières années, les incidents majeurs qu'on a reportés à Torsupra, c'est quelques fuites d'eau et quelques fusions sans conséquence, c'est-à-dire sans fuite d'eau. C'est-à-dire que certains éléments, on a observé la fusion. C'est-à-dire qu'on a atteint la température de fusion, donc quelques milliers de degrés, mais ça n'a pas eu de conséquence, c'est-à-dire qu'on a eu une légère fusion, on a pu arrêter, stopper la décharge avant de percer le tuyau. De façon générale, l'exploitation sur les 10 dernières années, c'est très bien passé. On a reporté quelques incidents, mais on opère tous les ans. En moyenne, sur une année, on fait quelques mois de campagne expérimentale. Je dirais qu'on est sur 3-4 mois d'expérience pour environ 8 mois d'arrêt pour analyser les données. Arriver à contrôler les paramètres plasma et un mur et contrôler la température donc, du mur est tout le défi et tout l'intérêt des expériences de Torsupra. Donc là, on s'oriente beaucoup actuellement vers ce type d'analyse, c'est-à-dire la combinaison d'un plasma très performant avec des conditions de bord favorables d'un point de vue donc contamination en impureté, extraction du flux de la puissance. Donc nous avons testé plusieurs types de composants. Aujourd'hui, nous sommes avec un composant limiteur au plancher de la machine. Ce composant est capable d'extraire environ 10 mégawatts de puissance par mètre carré de surface. C'est une quantité de puissance considérable qui est très difficile à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les performances ont été plutôt bien documentées. On a montré qu'on était capable de confiner, d'avoir un régime plasma, des conditions de plasma satisfaisantes pour faire de la fusion. On a mis une dizaine, voire une vingtaine d'années à contrôler, à apprendre à contrôler, maîtriser et atteindre les performances. Aujourd'hui, on est sur une échelle à peu près équivalente. Il nous faudra une dizaine, peut-être un peu plus, d'années pour apprendre à conserver ce plasma performant et le rendre compatible avec le mur qui l'entoure. Donc l'évolution aujourd'hui de Thor Supra, c'est une plateforme pour tester les composants d'ITER. Donc ITER est localisé sur le centre de Cadarache, donc à côté du tokamak Thor Supra. À environ 200 mètres du tokamak Thor Supra, vous avez le grand frère. Donc on a démontré qu'on était capable de faire des chocs longs. On a démontré qu'on avait des densités de puissance qui étaient proches de celles d'ITER, 0,5 MW par mètre cube là. Donc on est dans des conditions de chargement thermique adéquates pour tester les composants d'ITER. Toutes ces analyses, toutes ces expériences, elles servent à préparer l'ITER. Et là, ce qu'on propose, donc, c'est une fois que les composants d'ITER auront été testés en laboratoire, de les installer dans Thor Supra et de les tester dans un environnement de fusion, donc avec un plasma dans des conditions de fusion. On doit aller vers des matériaux métalliques, donc qui sont compatibles avec l'environnement nucléaire. Donc là, pareil, on va dessiner des scénarios, hein, construire des expériences et dire, bah voilà, tel composant fabriqué par exemple par les Chinois, on l'a testé sur 1000 cycles à telle densité de puissance, voilà ce qui s'est passé. Dégradation, pas de dégradation, fuite. Dans un cas extrême, hein, ou pas fuite, où le composant se comporte très bien, où il pose tel problème. Et là, il y a un retour. S'il y a des problèmes, on améliore, on repasse la main aux technologues qui vont corriger éventuellement le problème en fonction de ce qu'on aura trouvé. On propose dans les 10 années à venir, pour Thor Supra, donc 2015-2025, on propose de tester les composants pour ITER, avant de les installer dans ITER. L'idée derrière, hein, c'est de se dire, s'il y a un problème, il vaut mieux que ça arrive dans Thor Supra que dans ITER où ça coûte beaucoup plus cher. On est à une étape, on propose d'utiliser notre machine, notre tokamak, comme test des composants. Donc du côté ITER, ils vont spécifier les composants, faire des prototypes, les tester en laboratoire. Donc là, ce n'est pas des machines à fusion, c'est des machines à des tests qu'on appelle des tests à haut flux. Donc là, on a des canons, on tire sur les cibles avec des canons à électrons, par exemple. Alors là, on peut faire plein de cycles, c'est contrôlé, on sait exactement quelle puissance on met, on fait 100 cycles, 200 cycles, 1000 cycles, et on évalue la dégradation du matériau, donc en environnement contrôlé. Ensuite, on le met en environnement fusion, c'est pas pareil. Parce que là, on a un mix d'échauffement, hein, c'est plus un canon électron qui tire, c'est tout un tas de phénomènes, donc vous avez des particules, des ions, des électrons, du rayonnement, éventuellement un peu de neutrons. Vous avez tout ça qui va tomber sur le matériau, c'est pas du tout pareil. L'objectif principal du projet ITER est d'atteindre le rendement symbolique de Q égale 10, ce qui signifie en termes de puissance, vous injectez 50 MW dans la machine, vous générez 450 MW de puissance fusion. Donc 10 MW de puissance sur Thor Supra, sur un volume de 25 mètres cubes, ça correspond à une densité de puissance de 0,5 MW par mètre cube, hein, qui est la densité de puissance sur ITER, les 500 MW, mais sur un volume beaucoup plus grand. L'objectif, c'est de démontrer qu'on est capable de brûler du plasma. Donc ça sera une première. Typiquement, ce qu'on produit, nous, c'est des résultats en général publiés. Hein, c'est un résultat, on a caractérisé le phénomène, on l'a étudié, donc soit expérimentalement, soit numériquement, soit les deux. Hein. Souvent, en général, la meilleure combinaison, c'est d'avoir une explication numérique qui valide l'observation et le résultat, donc la quantification du phénomène, sa forme, l'endroit où il va avoir lieu, comment il évolue avec les paramètres plasma. Tout ça, c'est ce qu'on apporte à ITER. Ensuite, les ingénieurs et physiciens d'ITER vont engranger, récupérer toutes ces informations donc, qui peuvent venir donc, soit de Thor Supra, soit du Jet, soit d'une machine japonaise ou américaine, ils vont, en fonction de toutes les publications qu'ils vont recevoir, sélectionner celles qui ont un sens pour ITER, qui sont pertinentes, faire leur tri, parce qu'ils vont, des fois il y a des résultats contradictoires, des fois ils vont aussi observer le même phénomène partout. Alors là, pas de doute, c'est bien. Si tout le monde l'observe, il y a des chances que nous aussi on l'observe. Donc là, il y a moins de problèmes. Et ils vont faire un peu leur marché là-dedans et utiliser les informations qui sont pertinentes pour la construction d'ITER. Donc les travaux ont été entamés il y a quelques années. L'objectif serait d'arriver à un tokamak en opération en 2022, dans 10 ans. On a des gens IRFM, donc des gens de chez nous là, qui travaillent à ITER. Là, on en a déjà exporté dans le sens où on a envoyé nos meilleurs ingénieurs. Plus tard, dans 10 ans, je pense que ce sera plutôt des physiciens, donc soit des diagnosticiens, des gens qui pilotent un diagnostic, qui analysent les données, soit des physiciens qui dessineront le scénario, qui travailleront sur quel champ magnétique il faut mettre, quelle densité du plasma, quel courant plasma, qui proposeront des expériences, qui construiront les expériences avec les Japonais, les Chinois, les Russes. On construira collectivement. Donc, si tout va bien, 2022, 2023, on a des premiers plasmas, on a des premiers scientifiques qui opéraient Thor Supra Jet et qui vont commencer à aussi en même temps proposer des expériences sur ITER. Et d'ici 20 ans, je pense que bon, là, nous, on n'aura peut-être plus beaucoup de sens d'ici 20 ans d'opérer Thor Supra, mais là, on sera peut-être complètement occupé avec ITER, du coup, à ce moment-là. Et en parallèle, en étant occupé à ITER, on pourra préparer la suite. Les équipes qui seront démobilisées sur Thor Supra pourront être remobilisées vers l'après-ITER. Et l'après-ITER, c'est le vrai réacteur. C'est le réacteur DEMO, il s'appelle, pour démonstration. Donc ITER ne fournit pas d'électricité. Hein. DEMO, c'est le réacteur qui, en même temps, génère de l'électricité. Je ne sais pas combien de mégawatts fera DEMO, mais là, on pourra plugger au réseau EDF. Vous voyez les étapes, hein, 10 ans pour renouveler l'intérieur d'une machine, l'exploitation d'un tokamak, bon, c'est un peu plus, c'est 30 ans. On peut dire la fusion, ça fait 50 ans qu'on travaille, on n'a pas, ça marche pas encore, d'accord. Mais si un jour ça marche, ce sera sur des milliers d'années. C'est-à-dire que les 100 ans ou les 200 ans qu'on aura mis, bon, c'est très pessimiste, hein, 200 ans, mais les 50, les 100 ou les 150 ans qu'on aura mis à y arriver, ils disparaîtront dans tous les avantages que ça peut présenter pour la suite. C'est-à-dire, je pense que ça peut marcher après, une fois que c'est contrôlé, que c'est maîtrisé, que ça marche, le concept est validé, ça peut marcher. C'est ça qui motive un peu les équipes, hein. C'est-à-dire que ça peut marcher avec des ressources quasiment inépuisables. La fusion, c'est pas vu comme quelque chose qui va tout remplacer. Ça va pas remplacer l'éolien, ça va pas remplacer le photovoltaïque, ça va pas remplacer la fission. C'est quelque chose qui est prévu en plus, c'est-à-dire qui fonctionne différemment. Chaque producteur d'énergie, type. Chaque filière a une application. Vous voyez que le solaire, ça marche quand il fait beau l'été, l'éolien quand il y a du vent, ça marche pas tout le temps. La fission nucléaire, ça génère en continu, il faut quelques jours quand même, ou voire plus pour vraiment l'arrêter. Donc l'aspect international est à la fois la force et la faiblesse du projet, je dirais. La force parce que ça réunit donc des compétences internationales de tous les pays. On mélange nos savoir-faire, nos compétences, et ça apporte quelque chose de vraiment très intéressant. La faiblesse par rapport à l'organisation. On comprend que réunir tout un tas de pays à travailler sur un même projet est beaucoup plus compliqué que de le faire à l'échelle d'une nation. D'un point de vue administratif, juridique, financier, tout est beaucoup plus compliqué. Une première évaluation a été faite il y a quelques années, donc à l'époque où tous les partenaires ont signé le feu vert pour ITER. Et ce qui était valable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Les coûts des entreprises sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Entre-temps, il y a aussi un retour d'expérience. Il y a eu certaines améliorations, modifications, aussi des choses peut-être qui avaient été oubliées. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ITER, vous l'avez sans doute appris par les médias, on a dépassé l'enveloppe qui avait été prévue déjà. Donc ça, on a déjà, il y a quelques années, à l'échelle européenne et de tous les partenaires, on a déjà eu une première rallonge. Et dans le contexte économique d'aujourd'hui, c'est difficile de demander une autre rallonge. Donc on est dans un contexte budgétaire pour ITER qui est extrêmement contraint. Tellement contraint, c'est que on a déjà dégradé certains systèmes et certains éléments. Les bobines, par exemple, les bobines d'ITER, il était prévu de les tester toutes. À froid, c'est des bobines supraconductrices comme tor supra. Donc des bobines supraconductrices, c'est assez fragile. Ça passe quand même à un supraconducteur, ça veut dire quelques degrés Kelvin, donc moins de 170 degrés Celsius. Et ça fonctionne à côté, donc au centre du plasma, vous avez 10 millions de degrés. Donc à quelques mètres de distance, hein, vous passez de 10 millions de degrés à moins de 170 degrés. Et ça bouge, hein. Vous allumez la machine, vous l'éteignez, vous l'allumez, vous l'éteignez. Donc ces variations de température peuvent fragiliser les bobines. Donc avant de l'installer, vu que c'est des éléments qui sont quand même de taille considérable, là, vous l'installez une fois, vous pouvez plus le démonter. Une fois que c'est installé, c'est fini. C'est tellement énorme et tout est ramené à ces bobines. Donc, même au niveau des bobines, ils prévoient de réduire le nombre de tests. Ce qui était prévu de tester toutes les bobines, et ben, au final, là, les dernières informations côté ITER, c'est qu'on ne pourra pas toutes les tester comme il faut. Ils évaluent un peu les risques et ce que ça peut avoir comme conséquence et ils cherchent à avoir des économies. Donc même si je dirais que c'est une étape essentielle de qualifier les composants en environnement fusion avant de les installer dans la machine ITER, ça peut être aussi du luxe. On peut se dire aussi, ITER peut se dire, bon bah non, moi je les teste en laboratoire, on teste au flux, et puis si ça marche, je prends le risque de les installer tels quels. Donc nous, on se rajoute, on se propose, on est là pour dire, nous voilà, on propose, on cherche notre financement. ITER nous soutient pleinement, on voit un intérêt énorme quand même. C'est-à-dire que si ITER peut bénéficier de tor supra comme plateforme pour tester ses composants, ils sont tout à fait d'accord pour ça et heureux qu'une machine à fusion qui peut faire des chocs longs et dans un environnement avec des conditions de fusion puisse tester ses composants. Donc côté ITER, ils sont très contents. Évidemment, ils ne peuvent pas alimenter ce projet, puisqu'ils sont dans un contexte restreint. Donc c'est à nous de trouver notre financement et de boucler notre budget de construire cette machine. C'est notre projet. Donc on va chercher le canal européen, on va chercher le national, région, on va voir, et étranger. Dans la fusion, l'Europe contribue énormément, à hauteur de, par exemple, pour nous, c'était de plusieurs millions d'euros. Pour le jet, c'est 60 millions d'euros quand même. Donc c'est un tokamak européen. Donc c'est des sommes assez considérables et aujourd'hui c'est des choses qui sont votées tous les 6 ans et on n'est pas sûr que dans les 6 années à venir on ait la même quantité d'argent et la méthode pour aussi l'obtenir, cet argent n'est pas le même. C'est-à-dire que maintenant l'Europe fonctionne sous forme de contrat. C'est-à-dire que elle va passer plutôt que de dire à telle association ou tel laboratoire je vais donner telle quantité d'argent directement sur tel projet. Hein, donc là c'est un paquet, c'est comme ça que l'Europe fonctionnait avant. Aujourd'hui, ça va être des contributions plus ciblées, c'est-à-dire des projets de volume plus petit, sur des projets mieux ciblés, mieux documentés, avec toute une procédure administrative qui est considérable. Donc là, nous, on n'a plus de subventions européennes, on ne peut plus parler de subventions en fait. On décroche des contrats avec l'Europe. Donc c'est une somme de contrats qui fait notre budget en fait. Et du coup, c'est très difficile de prévoir, c'est très difficile de se dire en 2014, on va avoir telle quantité d'argent, sachant qu'on les a d'année en année. Donc on nous alimente d'année en année en fait. Donc les montages sur les types, sur des gros projets, ça devient très compliqué en fait un gros projet parce qu'aujourd'hui on est incapable de dire ce qu'on aura par l'Europe en 2015. Et pourtant 2015 c'est la date à laquelle on doit commencer à opérer avec notre projet de mur métallique là. Et on ne sait pas quelle contribution européenne on aura. Elle peut être que gagnée en fait. Donc on est dans une position où on essaye d'orienter l'Europe et que l'Europe propose des contrats pour développer notre plateforme. Donc le CEA, évidemment, assurera une partie importante du financement, mais ça ne suffira pas. On aura besoin d'apports pour les diagnostics, les matériaux. Donc on est en négociation avec la Chine pour les alimentations, par exemple, des bobines, avec la Chine pour le divertor en tungstène, pour des matériaux. On est en discussion avec les institutions nationales, le CNRS, les universités, donc là dans un cadre qu'on appelle fédération de recherche. Donc dans le cadre de cette fédération, on peut aussi construire soit une partie de la machine, soit des diagnostics, apporter du savoir-faire, des compétences, des chercheurs qui viennent nous aider aussi, des ingénieurs. Donc tout est dans cette phase du projet-là. C'est pas comme si on arrivait avec quelqu'un qui nous faisait une institution qui nous dit c'est bon, pendant 10 ans je vous alimente et je vous donne l'argent nécessaire pour votre projet et il n'y aura pas de problème. Donc là on n'est plus tout à fait dans ce fonctionnement-là.